Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Après un été chaud et musical, nous vous retrouvons en direct du Millennium de l'île d'Abo pour une heure de live consacrée ce soir aux plus français des bluesmen québécois, à moins peut-être que ce ne soit l'inverse, Francis. Absolument, Cédric, voici le grand retour de They Call Me Rico, alias Frédéric Pellerin, natif du Québec, basé à Lyon, à la Croix-Rousse même, ayant représenté cette année d'ailleurs la France à Memphis, à l'International Blues Challenge, 350 concerts au compteur un peu partout dans le monde, et qui nous fait le plaisir de venir ici présenter son nouvel album, This Time, en compagnie de son fidèle ami et complice Charlie Glad. Je vous demande d'applaudir They Call Me Rico. This time I won't push my luck. This écoutez bien le Blues Café Live. Et ce soir, monsieur They Call Me Rico est notre invité. La prochaine chanson, c'est une chanson qui a été composée par la musique, par le monsieur qui est à côté de moi, monsieur Charlie Glad. J'ai composé les paroles. C'est une chanson blues un peu américaine, si on peut dire. Du blues de Memphis, ça s'appelle Down, Down, Down. Hey! Come on, bring it down! Écoutez bien le Blues Café Live. Nous sommes ici ce soir en direct du Millennium. C'est à l'île d'Abo. On vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite. N'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les dates sont sur le www.bluesactu.com. Et on va demander à Rico de se frayer un chemin si c'est possible. En tout cas, il faudra peut-être qu'il joue un petit peu des coudes pour arriver jusqu'à nous ici sur ce plateau du Blues Café. On est très heureux de te revoir, Rico. C'est pas une première pour toi. Moi aussi. Tu es presque un habitué du Blues Café. Très heureux d'être ici. Et tu viens avec deux cadeaux, on va dire. Tout d'abord, un nouvel album, il s'appelle This Time. Et aussi, et c'est aussi un peu pour ça que tu ouvres cette saison, avec un nouveau partenariat avec le Blues Café, puisque c'est désormais toi. Et Russell, qui allait assurer le mixage de ces émissions, puisque tu as monté un studio qui s'appelle le Studio Magneto à Lyon. Alors, nouvel album qui s'appelle This Time. Ce disque, on l'a écouté en long, en large, en travers, en diagonale et en magnéto. C'est un disque plus rock, hein, nettement, en général. Je ne sais pas si c'est un retour à tes influences. Ben, j'ai toujours aimé le rock. Au départ, avec They Call Me Rico, je voulais faire quelque chose de plus acoustique, mais le rock m'a toujours rattrapé. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'aller vers ça. C'est addictif. C'est un truc que j'aime, que j'adore. Donc oui, et peut-être plus rock, mais je ne réfléchis jamais avant de faire un album. Est-ce que je veux le faire plus calme, plus rock? Les chansons viennent au fur et à mesure, puis ça avance comme ça. Alors plus rock et en même temps presque un peu plus contrasté puisqu'il y a aussi un Rico assez folk sur cet album, c'est assez nouveau, notamment ce titre We'll Meet Again que tu fais par exemple un petit peu à la Bob Dylan sur scène, debout, ce qui est une nouveauté aussi, avec l'harmonica et tout ça. On a l'impression que tu as voulu montrer aussi que tu étais capable de faire plusieurs styles. Que tu pouvais te mettre debout aussi. Mais j'aime beaucoup la musique plus folk, plus calme. C'est juste qu'en spectacle, c'est sûr, souvent, c'est plus difficile d'insérer ça dans le cadre d'un spectacle parce que souvent, quand c'est sur des gros scènes, tout ça, les gens entendent le... Aimer qu'on envoie le pâté et tout. Mais je suis allé voir Neil Young l'année dernière, ou il y a 2 ans, à Vienne. Puis, en fait, j'ai réalisé que le moment du spectacle que j'aimais le mieux, c'était le moment où il était seul avec sa guitare, son harmonica. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire des trucs vraiment plus dépouillés sur l'album puis vraiment laisser passer la musique... sans les artifices, en fait. En même temps, Sol, et à côté de toi, il y a Charlie Glad, quand même. Alors, Sol, mais en duo aussi. Donc, les scènes, c'est tantôt Sol, tantôt avec Charlie. Qu'est-ce qui décide ? Toi, Charlie, tu dis non, cette scène, je ne veux pas la faire, je laisse tout seul. Ou de temps en temps, non, je viens parce qu'il y a du bon vin pas loin, ou je ne sais pas. C'est ça, en l'occurrence. C'est sur le vin que tout choisit. Que choisit les dates. Non, ça n'est pas beaucoup, en fait. Il y a des dates où il faut qu'il soit tout seul. Des fois, où les gens demandent qu'on soit à deux. Des fois, il y a du budget, pas de budget. Des fois, c'est moi qui suis pas là, parce que comme j'ai d'autres activités à côté. Alors, tu as une autre activité qui n'a rien à voir avec le blues d'ailleurs. J'ai beaucoup d'autres activités. Alors, soit je chante à l'opéra, ce qui n'a rien à voir, soit je suis comédien et j'enchaîne les films ou les pièces de théâtre, ce qui va m'arriver dans une semaine. Donc, ça fait une carrière un peu éclectique. Pianiste et violoniste, on s'en apercevra tout à l'heure. Et on sent d'ailleurs que sur cet album This Time, tu t'es vraiment amusé. Tu as une place que tu n'avais peut-être pas sur les albums précédents. En tout cas, on sent que cet album, c'est vraiment presque l'album d'un duo, j'ai envie de dire. Alors oui, sur certains trucs, c'est un peu l'album d'un duo. Il y a toujours des chansons que Fred compose à la base. Moi, je suis très très fan de la manière dont il compose. Et ensuite, moi, ça vient aussi d'une période où j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, à New Orleans, notamment en Louisiane. Et du coup, j'avais gardé beaucoup d'influence de ça, de Chicago. Et à force de faire des répètes, de faire des jams ensemble, ben, il est venu un peu ce mélange qu'on avait avec lui, ses idées, sa créativité, ses influences. Et moi, mon parcours, où j'avais été un peu voyagé dans le sud des États-Unis. Alors, Rico, cet opus se nomme This Time, premier titre d'ailleurs, titre éponyme, premier titre de l'opus. Hein. Très rugueux, piano de Charlie un peu en folie. Mais il est fou en général, de toute façon, Charlie, et dans lequel, d'ailleurs, tu sembles un peu regretter, si j'ai bien compris, d'avoir loupé quelque chose, et que cette fois, eh ben, tu ne seras pas en retard et tu ne laisseras pas passer ta part. Je me trompe ? Mais je parle un peu des résolutions qu'on prend souvent à chaque début d'année, de « bon, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de... » Un peu tous les trucs plaisants dans la vie qu'on s'empêche de faire. Puis c'est un peu comme une confession, puis en même temps, je ne le ferai plus, mais c'est un peu le petit diable qui dit ça en ricanant. Donc, c'est de ça que ça parle, la chanson. Beaucoup de styles, on l'a dit. Tu as montré, par exemple, les deux titres qui ouvrent l'album, en fait, This Time et Down, Down, Down, en début de cette émission. Notamment ce titre Down, Down, Down, on sent que vraiment, tu t'amuses, quoi, là, Charlie, sur ce titre, hein, c'est ça? C'est vraiment ça, surtout qu'en plus, on l'a fait d'une manière un peu jam pendant les répètes et on l'a enregistré dans un studio où on dormait, là, le soir. Du coup, je crois qu'on l'a enregistré assez tard, celle-là. On était dans une ambiance assez confinée, on était tous les deux dans un studio pas très éclairé. Et du coup, c'est vrai qu'il est né une ambiance et une complicité dans ce titre notamment et sur les autres, qui a beaucoup joué, je pense, et qu'on sent dans l'album. On s'est amusé avec Cédric à écouter, comme je disais tout à l'heure, en long, large, diagonale et compagnie, tous les titres de l'album. Puis on s'est amusé mutuellement à s'envoyer des impressions, des sensations que chacun en avait eues sur chaque titre. Et il y a un morceau qui nous a étonné, c'est un titre très lourd qui s'appelle Everlast Kind, avec une espèce de nappage d'orgue un peu à la Doors. C'est très curieux et avec une guitare un peu évanescente. Oui, ben, ça fait partie de mes influences, un peu le côté Led Zeppelin, mais aussi un peu le côté Velvet Underground, les premiers albums avec des chansons qui étaient très éthérées un peu. Donc, ça garde un côté blues, un côté à la limite western, puis un petit côté peut-être oriental dans le... Parce que c'est la guitare est accordée en do, puis il y a des certaines harmonies, certains trucs là-dedans qui rappellent un petit peu, il y a un petit côté oriental aussi là-dedans. Donc c'est un mélange de plein d'influences, puis c'est des trucs que j'avais le goût d'explorer en fait, de pas juste dire, bon ben ce que je fais c'est du blues bottleneck rugueux, ben oui, mais j'aime autre chose, je suis capable de faire autre chose aussi, donc j'avais envie de montrer ça sur cet album-là. Reste avec nous, on va accueillir dans quelques instants d'ailleurs... Quelqu'un qui nous parlera de Memphis et tu vas rester avec nous pour en parler. On fait une petite pause musicale avec quelqu'un qui sera ici sur cette scène le 3 novembre. Si vous voulez assister à cette émission, c'est monsieur Manu Lanvin qui sort un tout nouvel album. Vous en avez pour les gens qui sont ici ce soir lors de l'enregistrement de cette émission. La primeur, l'album s'appelle Blues, Booze and Rock'n'Roll. Et Manu Lanvin, lui aussi, nous montre avec cet album qu'il sait aller explorer des horizons un petit peu nouveaux. On écoute le titre éponyme, Blues, Booze and Rock'n'Roll. All right, let's rock! Tradition, we want blues, booze, and rock and roll. We're gonna live our life, we out of control. We want blues, booze, and rock and roll. We got to feel the fire, our burning soul. Blues, booze, and rock and roll. We're gonna live our life, we out of control. We want blues, booze, and rock and roll. We got to feel the fire, our burning soul. Our burning soul. Nous sommes au Millennium de l'île d'Abo, ne changez rien, c'est le Blues Café, votre rendez-vous mensuel. Il y avait un dernier petit coup de batterie tiens, qui m'a surpris avec le blues et nous avons le plaisir de recevoir ce soir They Call Me Rico, qui revient d'une belle expérience, je crois, Rico, puisque tu as eu le grand plaisir de représenter la France, tout Québécois que tu es, à l'International Blues Challenge de Memphis. Je crois que c'est une expérience qui t'a marqué à vie, on va dire. Oui, c'est extraordinaire, le concours en tant que tel, mais aussi tout le voyage qu'il y avait autour, donc à Memphis, au Tennessee, mais aussi, surtout au Mississippi. C'est un endroit vraiment incroyable, évidemment, c'est le berceau du blues. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est encore là, le blues est encore présent, ça fait encore partie de la vie des gens, puis on voit encore des endroits où les bluesmen ont joué il y a 40-50 ans qui sont encore là, presque dans le même état. Donc c'est assez surprenant comme voyage, c'est assez... Tu parles du Mississippi, berceau du blues. À côté de toi, il y a Jean-Marie Douault qui s'occupe un peu de tout ça, justement, du Mississippi et d'autres États. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jean-Marie, Francis. En fait, si j'ai bien compris, mais tu vas mieux l'expliquer, tu représentes certains offices de tourisme de plusieurs États aux États-Unis. D'abord, toi, tu as bourlingué énormément aux États-Unis aussi. Oui, oui, j'ai arrêté de compter au bout de 120 voyages. Je m'occupe depuis quelques années maintenant de la promotion en France des offices de tourisme, notamment des États du Mississippi, du Tennessee et du Kentucky. Et d'ailleurs, je voulais vous féliciter, Cédric et Francis, d'avoir recréé cette atmosphère moite propre au sud ce soir. C'est parce qu'effectivement, involontaire, hein, le sud poisseux, vous l'avez complètement recréé. Je vous félicite. Alors, quand tu dis représenter les offices de tourisme concrètement, ton activité ici en France, je rappelle que tu habites Lyon en plus. Oui, oui, je suis le régional de l'État. C'est quoi exactement ? Eh bien, mon travail, c'est de faire la promotion de ces États, de l'aspect touristique de ces États, auprès du grand public, auprès des professionnels du tourisme et également auprès des médias. Donc, nous organisons des voyages de presse, nous organisons des voyages d'études pour les professionnels du tourisme et nous faisons la promotion aussi de ces régions auprès du grand public, notamment ici à Lyon, en participant au Salon du tourisme de Mahana qui a lieu au mois de mars. Alors, moi, je ne suis jamais allé aux États-Unis, par exemple. Si je devais... Là, j'ai 15 jours devant moi. Qu'est-ce qu'il faut aller voir, d'après toi ? Alors, le sud, dans le blues, le sud, c'est une région très, très particulière. C'est une région, et je pense que Frédéric ici ne me démentira pas, c'est une région avec une âme très particulière, liée à son histoire, à sa culture. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, la guerre de sécession, l'esclavage, la lutte pour les droits civiques et la musique. Et l'âme noire, mais aussi l'âme blanche, s'est exprimée beaucoup au travers de la musique. Et pour les fanats de musique que nous sommes tous ici ce soir, je vous encourage à passer notamment par Nashville et par Memphis, qui sont deux des grandes villes, éventuellement la Nouvelle-Orléans. Mais entre ces trois grandes villes, vous avez une myriade de petits villages, de petits patelins, de petits hameaux, parfois complètement paumés, un peu déglingués, un peu décatis, très roots, et qui représente vraiment l'âme de ce pays. Et c'est là où vous allez pouvoir faire des rencontres, parce que c'est une destination d'ambiance et d'atmosphère. Vous n'aurez pas des paysages extraordinaires. On n'est pas dans l'ouest des canyons et des buttes rouges qu'on voit dans les westerns. On est au bord du Mississippi, au bord de ses fleuves. On est dans une région éponge, marquée par l'eau. L'eau qui débordait souvent et qui a inspiré les musiciens pour créer ces blues des années 1920-1930. Et on passe dans ces endroits où est né le blues, avec Doc Refounds, par exemple, avec Charlie Patton. On va passer à Greenwood, la patrie de Robert Johnson, qui est enterré, c'est un cas sans doute unique au monde, dans trois tombes différentes. On touche à la mystique du blues, hein, ce côté un peu gothique, ce côté flamboyant aussi propre à l'histoire de la région. Et on va aussi passer, par exemple, à Cleveland, où est... parce que la musique, c'est un patrimoine vivant, ça n'est pas simplement un patrimoine culturel, historique, vient d'être inauguré au mois de décembre dernier, un Grammy Museum à Cleveland, donc Cleveland, Mississippi, tout près justement des Dockery Farms, tout près d'un endroit extraordinaire qui s'appelle Po Monkeys, qui est l'un des derniers juke joints originels du Mississippi. Et ce Grammy Museum honore tous les musiciens du Mississippi, comme à travers la Mississippi Blues Trail, qui est un programme de l'État du Mississippi qui raconte l'histoire du blues à travers tout l'État et qui déborde même les frontières et qui a même passé l'océan Atlantique, puisque Cahors, il y a 2 ans, s'est vu honoré d'un marqueur de la Mississippi Blues Trail racontant la contribution des musiciens du Mississippi au Festival de Cahors, le plus ancien festival de blues en France. Alors, tu en parles avec passion, en tout cas. J'ai l'impression qu'on pourrait passer la soirée avec Jean-Marie. Absolument, oui. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut avoir toutes ces informations ? Alors, il y a plusieurs sites Internet, mais pour ceux qui ont des difficultés avec l'anglais, et ils sont encore relativement nombreux, vous pouvez toujours consulter le site www.memphis-mississippi.com. Mississippi.fr. Mississippi, je le rappelle, 2S, 2S, 2P. Rico, quand tu es allé à Memphis, on a eu quelques images, parce qu'il y avait Sylvie Bosque, d'ailleurs, à qui on transmet un petit coucou, qui était là, qui a filmé, photographe, et qui a fait aussi un documentaire sur Memphis au moment où tu y étais. Ce côté rencontre, ce côté âme, tu l'as vraiment ressenti plus fortement même que ce que tu pouvais imaginer? Oui, parce que c'est vraiment magique. En fait, c'est que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas qu'on allait encore retrouver ça, cette ambiance-là qu'on entend dans les albums, bon, qu'on voit dans les films et tout. Mais c'est vraiment assez incroyable. Puis un jour, on est à la Bentonia, dans un petit bled vraiment paumé. Donc dans un café, le Blue Front Café, où habite Jimmy Doc Holmes, en fait, qui tient ce café-là. Et puis il était là, mais moi, je savais pas que c'était lui qui tenait ça, puis qui était là. Donc j'avais aucune idée. Je rentre dans le café, il est là, en plein milieu, seul. On commence à parler, il me dit « Ah, t'as une guitare, va la chercher. » Et puis là, on s'est mis à jammer pendant peut-être 30 minutes. Puis bon, les amis, justement, ont filmé tout ça. J'ai pas encore vu le film et tout. Mais ça a été une rencontre assez incroyable. Par hasard, pour moi, c'était un hasard. Je savais pas qu'il était là. Qu'on s'est mis à jouer pendant 30 minutes. Il m'a montré des trucs. C'était vraiment comme... c'était magique, en fait. Alors, Rico... Jean-Marie disait que ça ressemblait au Duke Joint Mississippi, oui. Aussi moite. Alors, nous ne nous appelons pas Jimmy Doc Holmes, mais on te propose quand même de retrouver ta guitare. J'y vais. Pour poursuivre en musique, puisque finalement, tout ce qu'on vient de dire, on poursuit en musique le voyage. They Call Me Rico est sur la scène du Blues Café ici, au Millennium de l'île d'Abo. Et on remercie toute l'équipe, la municipalité de l'île d'Abo et l'équipe technique qui nous permet de réaliser ce petit juke joint du Mississippi, ici, en plein cœur de l'Isère. They Call Me Rico et Charlie Glad. Am I the one and only? Am I the lashing lie? Will you be gone tomorrow? Alright, here by my side. No reason to disrupt, no reason to strive. A permanent vacation where the sun never shines. Will I ever find the everlasting? I search for clues and meaning in back alleys of my mind. No answer to this riddle, time to put out the fire. We took all love for granted, and now the well is dry. I plead for innocence while guilty of a thousand crimes. Will I ever find the everlasting? Will I ever find the everlasting find the Merci beaucoup. Vous êtes bien sur le Blues Café Live. On vous retrouve ici tous les mois au Millennium de l'Île d'Abo pour le Blues Café Live. Et on vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions et également les vidéos et on voudrait saluer T and Bo qui assure la captation. Et c'est grâce à eux que vous pouvez avoir quelques extraits de cette émission sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, en tout cas, on a aussi une page Facebook et tout ça. Voilà, vous pouvez nous retrouver facilement. Rico, écoute ce morceau. Hello. Cédric et moi, on en est raide dingue. On trouve que c'est absolument fabuleux. Ça s'appelle « Song for Léon ». Oui. Alors, si je ne me trompe pas, Léon, c'est ton fils. C'est mon fils, oui. Il y a quelque chose qui est un peu particulier quand même. C'est quelque chose qui n'est pas habituel dans ton répertoire, ce style de musique. C'est une belle balade, un peu acoustique, sladée, qui ne va pas sans me rappeler un peu le folk rock californien, oui. Même aussi un peu planant, des 70s. Toi, tu parlais de Crosby, Stills, Nash & Young, par exemple, et puis il y a le violon en prime. Ben, c'est beaucoup de la musique que j'ai écoutée. Donc, en vinyle ou quand j'étais petit, dans la discographie de mes grands frères, grandes sœurs, c'était de la musique qu'il y avait beaucoup. Led Zeppelin, Crosby, Stills, Nash & Young, Stephen Stills, Neil Young, c'est un peu tout ça, en fait. Puis la chanson pour mon fils, ça s'est écrit comme ça. Je me suis toujours dit, non, je vais pas faire ça. J'ai toujours trouvé ça kitsch, les gens qui faisaient ça. Puis je trouvais ça hypocrite. J'étais là, moi, je ferais jamais ça. C'est pas. Puis finalement, c'est venu naturellement... Et puis, c'est ça, ça parle un peu des appréhensions qu'on a, tout ce qui va vivre, en fait de positif, mais en fait de négatif. Je dois le voir. Tu l'angoisses déjà. Ah oui. Et comment ce petit Léon s'acclimate à la France? Parce qu'il faut dire que quand tu es venu ici la première fois, c'était le deuxième jour que tu avais mis le pied sur le sol français. Tu avais fait un concert la veille et tu étais venu chez nous. Puis tu nous avais dit, ben ouais, la France, ça a l'air sympa. Quelques années après, tu t'y es installé, tu as rapatrié ta femme et ton fils. Après, tu as rapatrié ton studio. Oui. Peut-être que tu vas bientôt rapatrier le gouvernement québécois. Oui. Et c'est une annexion, petit à petit. Comment vit-il, lui, en France, celui qui est né au Québec et qui aujourd'hui s'installe en France? Ben, lui, c'est un petit Français. Il n'y a plus d'accent québécois du tout. Mais toi non plus, hein, je te rassure. Ah hein, oui. Mais ma femme est québécoise, donc on se parle tous les jours. Donc c'est sûr, l'accent n'est pas prêt de disparaître. Mais mon fils, lui, c'est un petit Français... 100%. Tiens, puisqu'on parle de ton fils, mais rien à voir, un fils, un ami, Charlie Glad, tu n'es pas son fils. Un ami, un amant, tout ce que vous voulez. Voilà. Non, mais c'est vrai, en fait, comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés il y a quelques années, il y a 4-5 ans, parce qu'il était en tournée avec son groupe qui marchait à l'époque en France aussi, qui s'appelle Madcaps, et il tournait dans le même label que moi, j'étais avec un autre groupe aussi. Et à ce moment-là, il commençait son projet d'École Miracle, et il a demandé au directeur du label s'il connaissait un musicien qui pourrait éventuellement venir faire des apparitions avec lui sur scène. Et du coup, on m'a recommandé, parce que je faisais du violon et j'étais déjà parti aux États-Unis. Et du coup, on s'est rencontrés dans un bar, on a bu un verre, on a bu deux. Ben et au troisième, on est devenus copains. Voilà. Justement, maintenant que on disait tout à l'heure que tu es arrivé et que maintenant tu t'es installé, depuis que tu es fixé en France, quelle différence ferais-tu entre le Québec et ici en matière de blues? De circuits, d'artistes. Je trouve qu'ici, la scène blues est vraiment en santé. Au Québec, pendant plusieurs années, c'était moins bien, il y avait moins d'affluence dans les festivals. Ça revient de mieux en mieux depuis quelques années. Mais moi, je trouve qu'ici, c'est hyper bien organisé en France. Je trouve que c'est un milieu, peut-être qu'il y a plus de festivals, il y a une plus grande population, donc plus de fans de blues, plus de festivals. Mais ici, je trouve que c'est un réseau qui est très bien organisé. Ouais, puis on est sympa. Puis oui, en fait, vraiment... Je dirais que c'est ça la grande différence, c'est qu'au Québec, il y a moins un réseau organisé de blues, tandis qu'ici, on dirait que tout le monde se connaît d'un festival à l'autre. Il y a comme vraiment une famille autour de ça, des bénévoles, donc c'est bien. On voudrait terminer avec un nom de quelqu'un qu'on va écouter, et c'est pareil, c'est une petite avant-première, puisque son album n'est pas encore sorti. Tu as l'occasion de le rencontrer, de faire ses premières parties, c'est Paul Personne. Oui. Je voudrais que tu nous parles de Paul Personne. Voilà, tu as une petite minute. Ben, c'est quelqu'un qui est vraiment sympathique, parce que souvent, quand on joue avec des artistes de grande renommée, souvent, ils ne sont pas très accessibles. C'est pas qu'ils ne sont pas gentils, c'est que souvent, on ne les voit même pas. Mais lui, il était toujours là, en loge, il venait discuter, il aime beaucoup le Québec, donc il venait souvent me parler des voyages qu'il avait faits. Puis c'est vraiment un bosseur, tu le vois avant les spectacles, il est nerveux, c'est comme s'il faisait son premier spectacle à chaque soir. Puis j'ai fait une tournée avec lui, j'ai fait 7 ou 8 dates, puis à chaque soir, ça reste encore un adolescent qui est nerveux, qui a hâte de jouer, puis qui, c'est un perfectionniste aussi, on le voit, il bosse pendant les soundchecks, il bosse vraiment pour avoir le son. C'est vraiment un bosseur. Donc, ça fait du bien de voir ça, quelqu'un que ça fait 40 ans qui fait ça, plus de 40 ans, puis qui a encore la flamme, puis qui a encore la naïveté qu'il avait il y a 40 ans. Donc, c'est bien. Merci Rico. On rappelle l'album, il s'appelle This Time, et on rappelle également le nom de ton studio, Studio Magneto. Rico parlait de Paul Persson, et bien justement, il a, après ses 40 ans de carrière, il nous surprend encore avec un album qui s'appelle Lost in Paris Blues Band. C'est le nom d'une collaboration qu'il a avec Robin Ford, Ron Thal et John Jorgensen. C'est un album de reprise, c'est un album de reprise en anglais. Lui qui est pourtant connu pour être le bluesman en français, il fait 13 reprises, dont cette reprise de Tom Waits qui s'appelle Downtown. On en écoute un court extrait juste pour laisser à Rico le temps de rejoindre la scène du Millennium. Going down, wanna hold you in my arms, wanna push you all around. I wanna break your bottle, babe, spill out all your charms. Come on now, set off all the burglar alarms. Going down, down, down, town, town. We're going down, town, down. The Lost in Paris Blues Band, c'est le nouveau projet de Paul Persson, et sur la scène du Blues Café, tout de suite, on retrouve monsieur They Call Me Rico, et il est ce soir avec Charlie Glad. About to break my back, see me hope boys get you out on track, hope boys get you light on track like a hopeless. Get you light on. See you a week as you go light on track. Marrying the baby lying in the shade, talking about the money that I ain't made. See you hopeless, get you light on track. Hopeless, get you light on track like a hopeless. Get you light on. See you a week as you go light on track. I may be right, maybe wrong. You're gonna miss me when I'm gone. See you hopeless, get you light on track like a hopeless. Get your light on track, oh boys, get your light on. See Eloise go light on track. Mother's gun on the Red Sea shore. Smoking down the water with a 2x4. See your oh boys, get your light on track. Oh, like a oh boys, get your light on track. Oh boys, get your light on. See Eloise go light on track. Hey! They Call Me Rico, c'est ce soir en live, ici dans le Blues Café Live. Une autre chanson qui vient du Mississippi, une pièce du grand Robert Johnson, ça s'appelle 3220 Blues. If I send for my baby, man, and she don't come. If I send for my baby, man, and she don't come. All the doctors in the hospital sure can't help her none. Unruly thing she don't wanna do. If she gets unruly thing she don't wanna do. Got my 3220, gonna cut her off in two. Pretty special, but I believe it's most too light. She got a 30 in special, but I believe it's most July. Got my 3220, gotta make the counts alright. Come on, boy, play that. Gonna shoot my gallon gun. I'm gonna shoot my pistol. Gonna shoot my gallon gun. You made me love you, baby. Now, young man, I've come. Hey, baby, where'd you stay last night? I said, hey, baby, where'd you stay last night? You got your hair all tangled and you ain't talking right. Got a 30th special, but I've been doing very well. She got a 30th special, it does it very well. Got my 3220 and it's burning just like hell. Come on. C'était la première de la saison ce soir avec monsieur They Call Me Rico. On remercie toute l'équipe du Millennium et la municipalité qui nous aide dans nos émissions naturellement. On remercie aussi notre partenaire TNBO qui font les captations des émissions et qui font les captations pendant toute la saison. Le mixage de l'émission est assuré par le studio Magneto. Russell et Rico, on se donne rendez-vous le mois prochain avec les Cotton Bellies. D'ici là, rendez-vous sur le www.bluesactu.com. La scène est à Rico pour un dernier titre. A plus, ciao, bye bye. up and confused. I'm lost, washed up and out of tune. Still young, but the damage is done. Sun is out, but nothing is fun. And it's sad when your mind freaks out, leaves you lost in the streets. Lonely hours obscured by doubt, feeling cold and deranged. Darkest nights till the sun's out, rays of light come like bleeds. And it's sad when the lights go out. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à Francis, Cédric et toute l'équipe, merci. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr.